Christ. Nous saluons les frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Et aussi nous les saluons au nom de Jésus Christ. Sans tarder, nous mettons debout pour lire la parole. Genèse chapitre 18. Nous prenons Mwanzo sura ya 18 verset 13 à 14. Mstari 13 mpaka 14. L'Éternel dit à Abraham. Amilele kamwambia Ibrahim. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Jua nini Sarah alicheka? En disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille? Mukusema eti mimi nitaweza kupata mtoto hivi niku mzee? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Eti kunaweza kuwa kitu kimoja cha kumshangaisha wa milele? Au temps fixé, wakati inayopangiwa, je reviendrai vers toi à cette même époque. Mimi nitarudia kwako mwi wakati moja moja. Et Sara aura un fils. Na Sara atazaa mtoto mwanaume. Niko naomba. Je vais prier. Tuko na kupikia aksante mfalme na Mungu wa kumbingu. Nous te disons merci, roi et seigneur du ciel. Aksante juu ulichikia imkusaniko ipate kuyaka. Merci parce que tu as accepté qu'il y ait cette réunion. Wakati yote seigneur tuko napata bahati ya kukusanyika. Tout le temps que nous avons l'occasion de nous réunir. Tuko naona mapendo na neema kwa macho yako. Nous voyons l'amour et la grâce à tes yeux. Nous venons à toi, Jésus-Christ, pour que tu puisses nous parler. Et nous espérons que toi qui viendrais dans de telles réunions, tu es au milieu de nous pour nous enseigner. Les frères et sœurs qui étaient ici depuis le matin, pour te dire des problèmes et des requêtes différents, c'est parce que nous croyons que toi tu écoutes et tu réponds aux prières de tes enfants. Agrée chaque prière qui a été faite en ce lieu et que tu répondes correctement pour fortifier notre foi. Nous espérons que tu vas le faire. La parole vient d'être lue, Seigneur. Tout celui qui a étudié peut lire. Mais nous t'invitons, toi, que tu descendes. Parle une parole qui va nous donner la vie. Du début jusqu'à la fin, sois glorifié. Tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous continuons à parler de notre sujet que nous avons commencé. Nous parlons ainsi pourquoi? Ces paroles sont sorties de la bouche de l'Éternel. Conformément au comportement que Sarah avait affiché, vis-à-vis la promesse ya Mungu. Devant la promesse de Dieu. C'est là où Dieu a pris la résolution de dire ses paroles. Et si nous prenons les exemples de l'Ancien Testament, c'est pour dire à nous qui vivons en ce temps que dans notre temps aussi, Dieu a aussi fait des promesses. Et la plus grande promesse que Dieu nous a faite dans cet âge, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ dans un corps humain. Et c'est ce que nous voulons vraiment parler devant les frères et sœurs. Et cet aspect que Sarah a fait montrer ça en ce temps-là, c'est ce que ceux-là qui s'appellent des chrétiens, des croyants, démontrent encore aujourd'hui aux promesses de Dieu. Sarah avait méprisé la parole de Dieu en son temps. Aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs méprisent encore la parole de Dieu en ces jours. Et pourtant nous vivons au temps de la fin, près du retour de notre Seigneur Jésus. Mais en voyant le comportement des humains aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils vont dans l'enlèvement, vous verrez clairement qu'ils ne sont pas différents de Sarah de l'autre temps. Que Dieu vous bénisse. L'église dans ce temps où nous vivons devait être dans un état d'alerte. Chaque frère et chaque sœur, si réellement nous étions des croyants, des chrétiens comme Ibrahim et Abraham, nous tous nous devrions être dans un état d'alerte. En attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ avec empressement. C'est dans cet état-là que on devait être. Si on croyait aux promesses, ce qui fait que nous soyons indifférents, ni incrédulité, ni c'est kutokuamini. Que Dieu vous bénisse. Être membre de Kambov Tabernacle, chanter à la chorale ou prêcher, cela n'est pas dire que tu es chrétien. C'est ce que chaque frère, chaque sœur doit connaître. Être croyant pour un homme qui vit aujourd'hui, c'est par rapport à son état et la préparation, la préparation qu'il fait concernant le retour de Jésus-Christ. C'est ça, être croyant. Maintenant, restez seulement croyant, un membre, venez chaque jour à l'église et s'arrêter sur là et s'appeler être chrétien. Ça, c'est un mépris à l'égard de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. L'état qui se voit dans la vie de chaque frère et chaque sœur, il est ali à Araka. Cet état d'empressement, il est ali à Nyamutu ya Mounia Konora Kusema. Cet état-là que chacun de nous voit que il faut que toutes choses soient bien mises au point. C'est cet état-là qui montre que cette personne est croyant aux promesses de l'Éternel. Il y a un état, mon frère. Il y a un état, ma soeur, qui se trouve chez toute personne. Si cette personne attend quelque chose, il n'y a pas moyen d'échapper à cela. Que Dieu vous bénisse. Il y a un état qui se trouve chez chaque personne. Si une personne attend d'être mariée, il a un état et tout le monde saura cela. Si un homme attend d'être, de toucher de l'argent, il a un état aussi. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Quand les gens du quartier savent quand Jekamine va payer, même quand il n'a pas encore payé, conformément au travailleurs, les gens découvrent que la Jekamine est tout près de payer. Il y a un état, mon frère et ma soeur, qu'un homme a lorsqu'il attend quelque chose. Si quelqu'un envoie l'argent à Dubaï pour qu'on puisse lui envoyer un véhicule, si son véhicule est près d'arriver, l'information, même quelques peu de gens sauront cela. Pourquoi? Il est prêt de recevoir quelque chose de bien. C'est cela là qui ne se fait pas voir dans le christianisme d'aujourd'hui. C'est la vérité. Ni bien quoi. Que Dieu vous bénisse. Nous vivons dans l'âge de la Odyssée. Regarde mon frère. Regarde ma soeur. Après cet âge, il n'y aura plus un autre âge. C'est nous qui sommes à la fin de tous les âges, de tous les âges du temps de la grâce des nations. C'est dans notre âge où il y a des gens qui ne mourront pas. C'est dans cet âge. Les gens qui iront dans l'élevement, parce que la Bible déclare que leur corps sera changé. C'est dans cet âge que ces événements s'effectueront. Il n'y aura pas un autre âge. Mais si tu regardes comment les gens vivent aujourd'hui, tu verras comme s'il n'y a rien. Regarde mon frère. Vivre comme cela, c'est mépriser les promesses de Dieu. Est-ce que tu comprends moi? Et sommes-nous ensemble? Chaque frère et chaque sœur. Celui qui sait que dans notre âge il y aura l'enlèvement, si dans sa vie ne se prépare pas, c'est-à-dire il a la mépris aux promesses de Dieu. Il n'est pas différent de Sarah. Que Dieu vous bénisse. Il n'est pas différent de lui en aucune manière. C'est la vérité. Parce que dans notre temps, Jésus-Christ avant d'aller au ciel, si tu prends dans Yohane Surah Yakumina, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Amin dani ya Mungu na amin dani ya. Dans la maison de mon père, nyumba ya baba yangu, il y a plusieurs demeures. Muko makao ya mimi. Je m'en vais vous préparer une place. Mimi naenda kumitayarishia phase. Lorsque je vais terminer, Malisa, je reviendrai. Rudia, ni promesse, ya iki kizazi. C'est la promesse de cet âge. Dieu vous bénisse. Celui qui nous a promis, c'est celui-là qui ne ment point. Je m'en vais et je retournerai. Regarde mon frère. Si la promesse de Jésus-Christ de retourner nous préoccupait autant, personne ne resterait dans le péché jusqu'aujourd'hui. À part, c'est impossible. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour finir par aller, frère. Arrivé jusqu'aujourd'hui, mon frère. Si un homme vive indifférent, c'est un incrédule. Ni un mukuto kwa mini. Angalia, frère. Regarde, mon frère. Atakama we ushituke. Même si toi tu es indifférent. Atakama we ukinda nafanya michezo mu religion. Même si toi tu continues de faire la religion. Mais Jésus est pas katakuya. Mais Jésus-Christ, lui, il reviendra. Et tu as même si toi cela, ceci ne t'intéresse pas, ton état toi, ne peut pas arrêter la promesse de l'Éternel en aucune manière. C'est la vérité. Ni bien quoi. Si Dieu promet quelque chose, même si toi tu refusais, lui Dieu accomplira cela. C'est comme ça que Dieu est. Ne pense pas que quand Dieu envoie l'évangile, il dépend de ce que toi tu fais. Non. Que Dieu vous bénisse. Dieu a dit à Abraham, moi quand il n'y a pas pangiwa, je reviendrai. Que Dieu vous bénisse. Regarde mon frère. Enlèvement. Ah, un temps que Dieu a déjà fixé. Nashiku. Et l'heure. Na mweji. Le mois. Na sa. Et l'heure même. Na seconde. Et les secondes même. Dieu a déjà tout fixé. Ile wakati ina eneya, et si ce temps arrive, même si toi n'es pas encore prêt, l'enlèvement se fera certainement. C'est la vérité. Ni bien quoi. Mungu si dépendre na wewe. Dieu ne dépend pas de toi. Mungu ana dépendre na kile kilitoka mukinywa. Dieu dépend de ce qu'il a fait sortir de sa bouche. Oh frère, on en a. Oh frère, tu vois. Niko na jikaza tu. Je m'efforce. Na penda hii mwaka. J'aime cette année. Nitengeneze maisha. Que je puisse arranger ma vie. Ile ni mipango yako. Ça, ce sont tes projets à toi. Haina mipango ya Mungu. Ce ne sont pas les projets de Dieu. Biblia iko nasema. La Bible déclare. Aujourd'hui. Léo. Si vous entendez sa voix. Quand on a chié sa outre. Nandir si c'est pas votre cœur. Kwa na kufanya moyo wako mgumu. aujourd'hui. Léo. Parce que Dieu. Il a déjà un temps qu'il a déjà fixé. Dieu a enlèvement. Pour l'enlèvement. Il est qui l'andou na qui la dada na pas chakuyua. Ça, chaque frère, chaque sœur doit savoir cela. Wakati ko bien fixé. Le temps est déjà bien fixé. Bien déterminé. Bien. Il a ce temps-là ne peut pas dépasser. Aïta pita. Ça ne peut pas dépasser. C'est la vérité. Mais il y a tant de gens qui disent qu'ils doivent aller dans l'enlèvement. C'est faux. Que Dieu vous bénisse. Les gens ne sont pas prêts. Même si on demandait à l'église qui sont prêts, les gens disent, beaucoup diront qu'ils ne sont pas prêts. Mais on ne va pas demander. Que Dieu vous bénisse. Parce que certains vont faire comme ça. Tu n'es pas prêt. C'est la vérité. Ni bien quoi. Ta conscience, qui a la conscience de chaque frère et chaque soeur. Sur base, il y a ma promesse. Il y a mon beaucoup de frères ne sont pas prêts. C'est pourquoi mon gars nous a donné un message. C'est pourquoi Dieu nous a donné ce message. Mon Dieu vous aime au temps fixé. Se comprenez que moi, quand il n'y a au pangiwa. Jésus-Christ doit venir. Jésus-Christ est à ta couille. C'est Jésus que vous chantez. C'est Jésus que vous entendez. Arrêtez d'aller en enlèvement, frère. C'est une mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose. C'est que dans ce problème, pourquoi nous nous battons? C'est d'aller dans l'enlèvement. Frère. Et il n'y a pas ce qui est précieux dans la vie d'un humain. Il n'y en a pas, mon frère. Dans tous les événements qui se sont passés dans le monde, il n'y a aucun événement qui dépasse l'enlèvement. Il n'y en a pas, frère. C'est une chose très importante. Si toi tu ratais cela, tu restes vraiment malheureux pour toujours. Malheureux pour toujours dans ta vie. Parce que ton état que tu as maintenant montre ouvertement que tu es. Tu dois rester. À moins que tu changes. C'est la vérité. Ni bien quoi. Que Dieu vous bénisse. Oui, frère. Chaque frère et chaque sœur. Tout ça, les frères Branham. Lisons d'abord. Avant de pouvoir continuer. Pas qu'à moi, message. Pas qu'à moi, Ujumbe. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Et tu coquines, tu kinyekwa, kwangu, vous jouez à Wamilele, Yamungu. Mina soma mukatikati. Je vais lire au milieu. Ok. Dio. Anasema hivi mukatikati. Il dit ceci au milieu. Maintenant. Sasa. Abraham juste vers le temps de la vie. Ibrahim wakati moya maisha yake. Aina pale. Mina shuka. Je descends un peu. Je vais encore descendre. Sarah était trop bouleversée. Sarah arrive tout choisante. Préoccupée par la nouvelle coiffure. Elle avait vu. Il a rionna. Et autre chose. Parfois nous nous sommes trop troublés. Au sujet des grandes églises. Au sujet de s'habiller. Ou soumambo ya kuvala. Ya kuvala mzuri. Mungu abote mbariki. Que Dieu vous bénisse. Njo ilikuwa comportement ya Sarah. C'est ça qui était le comportement de Sarah. C'est la vérité. Ni bien quoi. Mungu abote mbariki. Que Dieu vous bénisse. Wakati roya Sarah. Quand le cœur de Sarah. Mungu abote fanya ma promesse. Dieu faisait des promesses. Mais roya ke ilikuwa kubitu bya bule. Son cœur était attaché à des choses vaines. C'est à cela à quoi elle s'est préoccupée. C'est à cela à quoi les gens se préoccupent aujourd'hui. Les gens sont différents aux promesses de l'Éternel. Est-ce que sommes-nous ensemble? Si seulement le retour de Jésus-Christ était le nœud de notre vie, on allait tout sacrifier et se consacrer à l'évangile en préparant notre vie tout le temps. C'est la vérité. Mais tout ce que les gens font, c'est quoi? Si aujourd'hui, mon frère, un homme s'est donné beaucoup au travail plus que la préparation de son âme, ça c'est mépriser les promesses de Dieu. Sommes-nous ensemble? Que Dieu vous bénisse. Parce que tout ce que nous faisons dans ce monde, ce sont des choses éphémères. Bien quoi? Si Sarah verrit en son temps, la Bible dit que ce comportement-là sera encore ici au temps de la fin. Dans ce temps où nous vivons, le même comportement qu'avait Sarah, quand Dieu donne la promesse qui dit qu'il va revenir, tous les signes sont visibles, mais les gens se consacrent à des choses vaines qui ne peuvent pas les aider. Surtout dans cet âge de l'Odyssée. Si ce sont les femmes, elles aiment s'habiller, elles aiment être belles. Elles veulent s'habiller bien. Si ce sont les frères, et ils veulent continuer à construire, à chercher les gens, c'est ce qui préoccupe leur cœur. Que Dieu vous bénisse. C'est ça le temps pour lequel nous vivons. Le cœur de l'homme n'est pas attaché au retour de Jésus-Christ. Même si vous refusez, c'est la vérité. Les cœurs des gens dans le temps où nous vivons, ils sont consacrés dans des choses inutiles, des choses qui ne peuvent pas les aider. Si on était conscient, non, mon frère, que Jésus-Christ revient, même si on cultivait les choses, dans nos cœurs devait y avoir de l'empressement. Même si on construisait des maisons, dans nos cœurs devait y avoir de l'empressement. Et les gens devaient savoir que ces gens ici se préparent. Il y a quelque chose qui va se passer. Les frères et sœurs dans les cités devaient commencer à circuler en disant Jésus revient bientôt. Nous nous préparons. Combien font cela? Que Dieu vous bénisse. Parce que si c'est une nouvelle, le retour de Jésus-Christ était notre préoccupation dans nos cœurs, on ne devait pas rester tranquille, même dans nos familles. On ne devait pas rester calme. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un, s'il trouve un fiancé, dans sa famille, est-ce qu'ils vont oublier? Et même dans son quartier, est-ce qu'ils vont oublier qu'il n'est pas fiancé? C'est comme ça que ça se passe. Si quelqu'un trouvait une fiancée ou un fiancé, dans le quartier, tout le monde saura. Sa famille saura. Même si ses oncles sont à Kinshasa. Et il enverra même un SMS pour lui dire que j'ai trouvé une fiancée ou un fiancé. Parce que c'est ce qui est dans son cœur. Mais vous vous dites que Jésus revient. Mais le nœud de votre causerie n'est pas la politique. C'est la politique. C'est ça le problème. Le problème de votre conversation, ce sont les commerces. N'est pas ma affaire. Ma affaire. Ce sont les affaires. Frère, comment tu trouvais dans le champ que tu as fait ce mot? Tout ce que vous causez, ce n'est pas mauvais. Il ne faut pas dire que le prédicateur a dit, il ne faut pas qu'on cause ceci. Causer, ce n'est pas mauvais. Mais si on vous demandait, vous posez la question dans cette église, vous avez parlé de beaucoup de choses de bien. Est-ce que le problème de retour de Jésus, est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous en parlez? Vous causez des affaires, des problèmes des affaires. Et puis vous commencez à causer. Frère. Ah, du coup. J'aime dans sa vie qu'il y ait. Parce que Jésus revient. Mon cœur est tourmenté. Je cherche à faire pour que Dieu ne me trouve pas dans le péché. Combien cause de ces causeries-là? Vous dites que nous allons au ciel. Jésus revient. Vous ne causez pas les problèmes de Jésus. C'est parce que son retour ne vous intéresse nullement. C'est un vrai problème. C'est vrai. Ça ne vous intéresse pas. Vous êtes préoccupé avec des choses éphémères. C'est ce qui vous préoccupe vos cœurs. C'est la vérité. Nibia Kweri. Et cela est conforme aux gens de cet âge. Les cœurs des gens ne sont pas attachés au retour de Jésus. Parce que dans le cœur des gens, il y a la lourdeur des choses de ce monde. C'est ce qui est fou dans le cœur des gens. C'est la vérité. Nibiakwe. Parce que comme on avait pas de Timothée. Comme on avait pas de Timothée à Pili. Chapitre 3. Sura qui a tatou. Bible qu'on a sema. La Bible déclare. Dans les temps de la fin. Bantu batakuya batraître. Les gens seront traîtres, des traîtres, batouas. Tena batakuya emporté. Batakuya bakubeboa. Est-ce que tu comprends moi? Est-ce que sommes-nous ensemble? Dans les cœurs des gens. Les gens sont beaucoup emportés avec le monde aujourd'hui. Est-ce que sommes-nous ensemble? Dans les cœurs des gens, mon frère. Il n'y a pas entièrement Dieu qui est là-dedans. Non. Il n'est pas là. Il n'est pas là, mon frère. Les gens sont emportés. Vous entendrez quelqu'un dire. Ce qui préoccupe son cœur, ce n'est même pas le problème de Dieu, les choses de Dieu. Si vous le suivez bien, c'est pour qu'il s'habille bien. Si vous l'entendez parler, c'est pour qu'il puisse avoir un grand écran. Si vous l'entendez bien dire, c'est pour que dans son ménage, dans ses greniers, qu'il puisse faire le fou des sacs de maïs. Maintenant, quand il va faire le fou des sacs de maïs, des haricots et toutes les choses, son cœur sera tranquille. Et c'est fini. C'est ça l'état des gens d'aujourd'hui. Sommes-nous ensemble? Les gens voient que la fin de la vie d'un homme, c'est avoir une belle maison, des enfants qui étudient convenablement, avoir de l'épargne quelque part, être connu dans une société. Si tu as de l'argent, les gens te voient, les gens voient que c'est ça même la fin. C'est comme ça que les gens sont aujourd'hui. Alors que ce n'est pas ce qui est important pour un chrétien. C'est la vérité. Un chrétien devait se préoccuper beaucoup. Que son cœur soit prêt. Pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Que Dieu vous bénisse. Parce que tout cet événement, le frère Branham dit, pour être dans cet état-là, il n'a fallu pas te founoulo. Sommes-nous ensemble pour qu'un frère ou une sœur il puisse centrer sa vie avec tous ses objectifs au retour de Jésus-Christ. Il faut qu'il puisse avoir la révélation. Il faut avoir la révélation. Si Dieu ne te révèle rien, les choses de Dieu ce sera aussi possible. Tu n'auras pas tout ton cœur à cela. C'est comme ça que les problèmes. Les gens sont emportés beaucoup. Dans ce temps où nous vivons, les gens du temps de l'Odyssée. Un pied dans les choses de Dieu, un pied dans le monde. C'est comme ça que sont les gens. Le retour de Jésus-Christ ne les préoccupe plus. Les gens se préoccupent du ventre. Oui, frère. Dieu Ndoukou. C'est ce qui préoccupe les gens aujourd'hui. Si dans le ventre c'est plein, et les maïs sont pleins dans la maison, les braises sont pleines dans la maison, c'est fini. Il a dit que j'ai réussi. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu vous bénisse. Jésus revient. Même si tu cultivais 50 hectares, mais Jésus ne t'attendra pas. Lui, il reviendra seulement. Lui, il revient parce qu'il a dit, moi, quand il a eu faim, mitarudia. Je reviendrai. Que Dieu vous bénisse. Oui, frère. Dieu Ndoukou. Aujourd'hui, nous vivons le temps où les gens sont indifférents du retour de Jésus-Christ. Il y a d'autres frères et sœurs. Ils disent, Frère mwenye, si aseme mambo ingine. Nduku, qu'il parle d'autre chose. C'est comme si je venais t'importuner. Na we uko frère en Christ. Toi aussi tu es frère en Christ. Na we utenda mwalefuma. Et toi aussi tu partiras dans l'enlèvement. Mungu buluma. Que Dieu ait pitié de toi. Mungu apote kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Akone buluma. Que Dieu ait pitié de toi. Tu seme mambo ya enlèvement. Si nous ne parlons pas des affaires de l'enlèvement, tu t'asema tena nini? Qu'est-ce que nous allons encore dire? Regarde mon frère. Message, ce message ici, ça a un objectif. Avant de préparer, pour que les gens se préparent pour l'enlèvement. Objectif, message. C'est ça qui Kifukuzio de ce message. Ces gens-là qui disent qu'ils ont cru, ils se préparent pour aller dans l'enlèvement. C'est la vérité. Ni bien quoi. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé ce message. Tout ce que nous prêchons, la sanctification, toutes ces choses-là, Seigneur, ce sont les éléments qui contribuent pour notre préparation afin d'aller dans l'enlèvement. C'est ça l'objectif de ce message. Si dans ton cœur, dans ton cœur, ma soeur, il n'y a pas cet objectif, c'est fini. C'est fini pour toi. Tu ne sais pas ce que nous faisons ici. Nous n'avons pas un autre objectif. Notre objectif, c'est d'aller dans l'enlèvement. C'est ça notre objectif. Oui, frère. Dieu. Parce que Jésus a promis qu'il va revenir. Chaque frère et chaque soeur doit être prêt. Il doit se préparer. Il ne faut pas qu'il y ait autant de retour de Jésus-Christ. Et il te trouve en plein dans les dettes. Non. Que Dieu vous bénisse. Tu es ancré dans une vie de sûr. Tu n'iras pas. Tu iras comment? Tu n'irais pas avec cette vie-là. Chaque frère et chaque soeur doit vérifier l'état de son cœur. Si Jésus revenait maintenant, est-ce que j'irai ou pas? C'est ce que chaque frère doit se demander. Mais si tu dis, j'ai beaucoup de dettes, Jésus revient maintenant. Et ces dettes, à qui tu vas les laisser? Parce que l'église ne veut pas payer pour toi. Et si Jésus revenait, toutes les dettes que toi tu as, tu t'endettes là-bas, un chrétien n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de dettes. Ça, ce n'est pas un bon comportement de chrétien. Un chrétien, même s'il s'endettait, son cœur brûle pour qu'il puisse aller payer. C'est comme ça qu'un chrétien, si Jésus revenait, c'est d'être à qui tu vas laisser pour aller, tu ne vas pas partir. C'est pourquoi Joko Mana va payer, parce que Jésus n'est pas encore entré. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus revenait, cette mauvaise vie que tu as, tu vas laisser cela à qui? À qui tu vas laisser ce mauvais cœur que toi tu as? À qui vas-tu laisser cela? Parce qu'au ciel, mon frère, il n'y aura rien de celui qui va aller là-bas. Tout celui qui a un cœur haineux, au ciel, il n'ira pas. Tu n'iras pas, mon frère. Dans le ciel de Jésus, tu n'iras pas. Tu as un mauvais cœur, tu aimes même les frères en Christ. Tu aimes les sœurs en Christ. Et puis tu dis que tu es chrétien. Tu iras où? Mais ton ciel, c'est Kambov. Fais tout ce que tu veux au ciel. Parce que avec ton cœur méchant, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas. Donc tu n'iras pas. Que Dieu vous bénisse. Tu n'iras pas, mon frère. Parce que la Bible dit, Fajimoja, Mouzaburi, lisons cette écriture. Psaume, Zaburi, chapitre 24. Suraki Amakumimbi Naine. La Bible déclare ceci. Verset 3. Sarekiatat. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Nani lotaweza kupanda kumulima ya milele? Ni nani, ni mtu wa alikana anaweza kwenda mwalimu? C'est qui, c'est quel homme qui ira dans l'enlèvement? Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Qui se lèvera jusqu'au lieu saint? Nani atajinyanyua kule ku wali patakatifu? C'est celui qui a les mains innocentes. Ni ule eko na mikono ya shipo na mambo. Et le cœur pur. Na moyo mupi safi. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Ni mtu mwenye kuwa na moyo safi. C'est celui qui a le cœur pur. Hapana ule mtu mwenye kuwa na moyo yake mule. Et pas quelqu'un qui a dans son cœur. Muko bintu kama unabana kuonesha. Il y a des choses si on te les montre. Unashanga. Tu seras étonné. Ataenda mwalevu. Il n'ira pas dans l'enlèvement. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Bon frère, ba kwenda mwalevu. C'est que les frères qui iront dans l'enlèvement. Moyo yabo muko libre. Dans leur cœur c'est la liberté. Ils sont déjà partis loin de toute condamnation. Parce que toutes choses, ils ont déjà mis en ordre. C'est la vérité. C'est lui qui a un cœur pur. Oulé qu'on a moyo safi. Si vous prenez dans Matthieu, chapitre 5, surat yaïne, verset 8, la Bible déclare, heureux ceux qui ont un cœur pur. Parce qu'ils verront Dieu. Et sommes-nous ensemble? Ceux qui ont un cœur pur, dans leur cœur, il n'y a pas de choses viles. Ils n'ont pas de cœur, il y a kuchafuka. Le cœur impie. Ils ne verront pas Dieu. Ils n'iront pas dans l'enlèvement. Seulement ceux qui ont un cœur pur. Oui frère. Dieu Nduku. Et qui ne jure pas pour tromper. Na bala pa kinjo kudanganya. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Batapata mabaraka ya milele. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que mon Dieu baraka wa milele? Avez-vous compris la bénédiction de l'Éternel? Ni Rome takatif. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Mutu yote mwenye kuwa na moyo safi. Tout celui qui a un cœur pur. Mungu atamkaburia Rome takatifu. Dieu va lui donner le Saint-Esprit. Ce sont ces gens-là qui iront dans l'enlèvement. Hapana bantu beko na chungiana mamambo ya malango. Et non pas qui garde des problèmes de longue date. Il est toujours dans l'église. Toi tu le vois comme un chrétien, comme ton frère. Mais dans son cœur là, il était véritablement à mort. Tu n'iras pas au ciel. Même si tu cachais ta méchanceté avec malignité, au ciel il y a quelqu'un qui te voit. Tu restes dans l'église. Tu aimes beaucoup ce frère. Tu aimes beaucoup cette soeur. Mais cette haine qui est dans ton cœur. Tu fais le malin. Et semblant pour qu'il ne puisse pas savoir que tu es. Et la Bible déclare, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Tu n'iras pas. C'est la vérité. Ni bien quoi. Tu n'irais pas avec cette habitude-là. Parce que ce comportement que doit avoir chaque frère, chaque soeur. Qui doit afficher aujourd'hui. Pour aller au ciel. Oui, frère. Dieu nous. Dieu nous a envoyé cette parole. Pour que nous puissions nous préparer avec celle-ci. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé cette parole. Toi, depuis que tu as cru. Au baptême, on t'a baptisé. Tu viens, tu entends l'évangile. Pourquoi tu as un cœur méchant comme ça? Pourquoi? Pourquoi tu as un mauvais cœur? Et ce cœur-là que toi tu as, tu l'as trouvé où? Tu n'as pas un cœur pur. Tu as un cœur tortueux. Bien que ma frère va couiller la badade. Même si les frères ne te connaissent pas et les mais soeurs. Mais Dieu te connaît. La Bible déclare un homme peut cacher la méchanceté dans sa ruse. Et mais Dieu sait parler. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Mais dans son cœur là, il te hait à mort. Pourquoi tu le hais? Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu te connaît. Et tu continues avec ce comportement-là. Où vas-tu terminer avec cela? C'est grave. Nyatari. Que Dieu vous bénisse. Oui, frère. Dieu, nous continuons avec la lecture. Et qui ne jure pas pour tromper. Na Ashila Penja Kudanganya. Oui. Dio. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Atapata baraka ya milele. Et la miséricorde du Dieu de son salut. Na rehema ya Mungu wa mwokozi wake. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Jo sehemu ya ile kizazi kina mulomba kina mwita. Ni bya kweli. Kwenda mkunyakuliwa frère. Allez dans l'enlèvement mon frère. Aina mambo ya michezo. Ce n'est pas un problème de jeu. Apana frère. Non mon frère. Apana date. Non ma sœur. Tunapasha kujitengeneza. Nous devons nous arranger. Yesu Kristo anakuja. Jésus revient. Oui frère. Ndio nduku. Psaume chapitre 15. Zaburi 15. Verset yake premier kushuka chini. Mstari wa kwanza na en descendant. Oh éternel. Oh wa milele. Qui séjournera dans ta tente? Nani watabaki mumahema yako? Nani ataikala mwekalu yako? Nani atenda mkunyakuliwa? Qui ira dans l'enlèvement? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Nani atadumu pa mulima yako takatifu? C'est lui qui marche dans l'intégrité. Ule unatembea munyofu. Mungu bote umbariki. Que Dieu vous bénisse. Mais dans cette génération où nous vivons, les gens qui marchent dans l'intégrité, il n'y en a pas. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Et il n'y a plus de gens qui marchent dans l'intégrité. Les gens qui disent les problèmes qui se trouvent dans leur cœur. Dans le temps où nous vivons, ils sont très rares. C'est pourquoi dans cet âge, l'enlèvement n'est pas pour beaucoup de gens. Ce n'est pas pour beaucoup de gens, mon frère. Parce que les gens qui sont intègres dans le temps où nous vivons sont très peu. Un homme pouvait lui donner l'argent. Va me payer telle chose. Toi qui as laissé cette chose à 10 000 francs, tu lui donnes 10 000 francs qu'il achète cette chose-là. Mais quand lui il s'en va, et il trouve à 8 000 francs, les 2 000 là, il bouffe. Et il dit, mange à l'hôtel. C'est du vol. Que Dieu vous bénisse. C'est du vol. Celui qui est intègre, lorsqu'il trouve cette chose là 8 000 francs, il va prendre les 2 000, il faut te retourner. Il dirait que le prix que tu m'as donné, cette chose, on a déjà rabaissé le prix. S'il a trouvé que c'était déjà monté, c'est si tu lui avais donné 10 000, cette chose est devenue à 15 000, il allait te contacter par téléphone. Il allait dire, mon frère, la chose, je l'ai trouvée à 15 000. Est-ce que je peux ajouter 5 000, tu vas me retourner ça? Ajoute, je vais te rembourser cela. Mais si ça vient dans son intérêt, il va manger ça. Voleur. Nous vivons le temps où les gens qui sont intègres ne sont plus. Est-ce que tu vas? Sommes-nous ensemble? Intégrité, dans les gens, il n'y en a plus. Nous vivons simplement en abantu babongo. Les gens qui n'iront pas dans l'enlèvement. Ils n'iront pas, mon frère. Oui, frère. Diondou. Les frères, ce sont devenus des menteurs. Comme des frères à Satan. Bongo. Les menteurs. Ce n'est pas un bon état pour les chrétiens. La Bible déclare les chrétiens se disent la vérité qui vient du fond de leur cœur. Regarde mon frère. Pour voir que le mensonge c'est une mauvaise chose. Si tu mens à quelqu'un et qu'il découvrait que tu lui avais menti, la confiance qu'il avait en toi va diminuer. Sommes-nous ensemble? Même dans le mariage, les mariages de beaucoup ne sont pas stables aujourd'hui, c'est à cause du mensonge. Il n'y a pas moyen d'arranger, c'est comme ça que les choses sont. Si un mari et une femme sont dans le mariage, commence à se tromper. Le mari trompe sa femme. La femme trompe son mari. Si le mari découvrait ce que sa femme lui avait menti, et ce qu'il avait aussi menti, la confiance dans son cœur va se diminuer. Est-ce que tu comprends moi, hein? Sommes-nous ensemble? Confiance inachuka. La confiance va diminuer. Mando ya mingi ya inastable. Beaucoup de ménages ne sont pas stables. Origine ya ile mambo ni bongo. L'origine de cela, c'est le mensonge. Parce que c'est le mensonge qui amène les gens à manquer la confiance entre eux. Vous voyez que c'est une très mauvaise chose. Seulement le mensonge peut arriver dans le mariage. Le mariage s'est déjà rompu il y a longtemps. Mais toi tu continues à penser que tu es dans le mariage. Le mari n'est plus confiant en toi à cause du mensonge. Même le Dieu du ciel n'apprécie jamais le mensonge. Il n'apprécie jamais le mensonge. Le frère Branham dit, Dieu n'a pas créé un homme pour mentir. Il n'a pas créé un homme pour mentir. Mais regarde l'esprit dans lequel nous vivons. Au temps de l'Odyssée, nous sommes des, vraiment des menteurs. Des menteurs. Babongo kabis. Quelqu'un vous pensez qu'il est bien avec vous, mais n'est pas en bon terme avec vous. Il vit l'hypocrisie. On a fait qu'il s'est du mensonge. On a fait qu'il s'est du mensonge. C'est la vérité. Ou bien quoi? De tels gens, mon frère, de tels gens, ma soeur, ils n'iront pas au ciel. Ils n'iront pas. Tous les frères menteurs qui mentent en vivant dans leur vie, toutes les sœurs qui mènent une vie d'hypocrisie, ils n'iront pas dans l'enlèvement. Tu es au mariage, tu as déjà beaucoup menti à ton mari. Va ranger aujourd'hui. Tu as déjà menti beaucoup à ta femme. Va ranger. Si tu n'arranges pas, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas dans l'enlèvement. Oui, frère. Diondoku. C'est la vérité. Nibiakweri. C'est pourquoi on en a l'air, frère. C'est pourquoi vous voyez mon frère. Christianisme a la forme. Le christianisme n'a pas de forme. Ah, c'est la vérité. Nibiakweri. Oui, frère. Dio. C'est lui qui marche dans l'intégrité. Où l'on attend bien Mounyofu. Et qui pratique la justice. Naé qu'on attend à Waki. Qui dit la vérité selon son cœur. Où l'on a sema ou quoi que fatana moyo Waki. Frère Branham, qu'on a sema. Le frère Branham dit. Même si ce problème que tu connais, il va te faire tomber. Le frère Branham dit, parle seulement de la vérité. Sommes-nous ensemble? Même si les membres t'ont été en matatise, continue seulement de dire la vérité. Parce que si tu parlais de mensonge, tu te lis le cou. Toute ta vie sur cette terre sera liée par ce mensonge. Est-ce que sommes-nous ensemble? Donc si tu dis des mensonges dans ton cœur là, Zami te dit que tu as menti. Mais à ta ville, on a sema. Même quand tu dis cela, c'est fini. Après un certain temps, Wakati Fulani, tu seras comme si tu as oublié. Mais dans la profondeur de ton cœur, tu sauras que j'avais menti. C'est une corde qui était liée au cou jusqu'à ce que tu mourras. Et je peux couper tout que tu reviens sur ce problème-là. Que tu puisses réparer ce problème, c'est alors que les choses iront de l'avant. Maintenant, regarde dans ta vie, ma soeur. Regarde dans ta vie, ma soeur. Depuis que tu t'es dit que tu étais chrétien, combien de mensonges as-tu déclaré? Mais tu dis que tu es prêt pour aller dans l'enlèvement, c'est du mensonge. Tu mens. Es-tu prêt vraiment? La Bible déclare. La Bible nous montre toutes les conditions de ces gens qui iront dans l'enlèvement. Un chrétien ne parle pas pour plaire aux gens. Sommes-nous ensemble? Un chrétien ne parle pas pour plaire aux gens. Un chrétien, lorsqu'il parle, il engage sa vie dans ses propos. C'est la vérité. Ni bien quoi. C'est comme ça qu'un chrétien. Pourquoi? Pour qu'il soit en ordre avec Dieu. Et qu'il soit en ordre avec sa conscience. Parce que le mensonge, mon frère, ça amène les gens à mourir précipitamment. Seulement le mensonge. Et vous allez dire, mon prédicateur, c'est ça le problème que tu nous amènes aujourd'hui, le mensonge. Et tous les menteurs n'iront pas dans l'enlèvement. Il faut qu'on en parle. Parce qu'il n'y a aucun menteur qui ira dans l'enlèvement. Il n'y a pas un mensonge pour s'entraider. Est-ce que tu comprends, moi? Amen. Si c'est toi, ma soeur, tu as abîmé quelque chose dans la maison, que tu sais que ton mari va grandir. Il ne faut pas mettre le poids sur la tête des enfants. Tu vois, cette histoire est abîmée. C'est parce qu'il y a l'enfant, et pourtant c'est toi. Et tu es toujours bien jusqu'aujourd'hui. Laisse le mensonge. Que Dieu vous bénisse. Abandonne le mensonge parce que tu vas comparaître à cause de ce problème. Tu es bien dans la maison. Toi, tu vois que vous êtes bien. Mais l'esprit méchant de mensonge est déjà entré. L'esprit méchant de mensonge est déjà entré. Peut-être celui à qui toi tu as menti. Il ne sait même rien. Mais toi, tu connais. Et Dieu aussi connaît. Vous voyez, nous irons dans l'enlèvement, mon frère. Nous avons reçu le message temps de la fin. Dans cet âge, les gens sont vraiment des menteurs. Beaucoup sont des menteurs. C'est la vérité. Ni bien quoi. Les gens sont vraiment des menteurs. Les frères et sœurs sont des escrocs et des menteurs. Dans le temps de la Bible, les gens sont morts à cause du mensonge. Vous connaissez l'histoire de Ananias et Saphira. Et dans cette génération aussi, beaucoup de gens mourront à cause du mensonge. Quelqu'un qui arrive devant le pasteur, il ment même le pasteur. Frère, c'est grave. Niatar. Dieu n'a jamais changé. Sommes-nous ensemble? Vous voyez un homme? Il dit des choses même mais dans toutes ces choses, il y a seulement deux vérités. Mais tout ce qu'il a dit, ce sont des mensonges. C'est grave. Niatar. Que Dieu vous bénisse. C'est un même quand on t'appelait par le pasteur, tu as un problème. Parle la vérité. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, c'est un homme que Dieu nous a donné. Il n'a pas d'enfer où amener les gens. Il n'a pas de ciel où amener les gens. Dis-lui la vérité. C'est ça la voie que Dieu a prouvée pour t'aider. Et si tu disais à pasteur le problème tel qu'il est, il va t'arracher la tête. Les gens, beaucoup de gens sont. Si je lui disais la vérité, ma vie sera exposée. C'est du paganisme. Sommes-nous ensemble? Ça, c'est ça, vraiment être un païen. Devant le pasteur, un véritable chrétien, il dit les problèmes ouvertement. Sommes-nous ensemble? Que Dieu bénisse. Parce que le pasteur, Dieu l'a établi. C'est le serviteur de Dieu. Il ne peut pas prendre ton problème. Là, il dit à sa femme. Non. Parce que sa femme n'est pas pasteur. C'est le véritable homme de Dieu. Il espère son pasteur plus que tout autre. Mais tu arrives devant le sacrificateur, tu commences à mentir. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu ait pitié de toi. Maintenant, regarde combien tu as déjà menti au passé. Tu es encore à mesure aujourd'hui. Quand nous allons sortir de l'église, que tu puisses lui dire, voici cette situation. J'avais menti. J'avais menti. J'avais dit des fausses choses. Vas-tu réussir toi? Tu t'es déjà lié la corde au cou. Ce problème-là va t'accompagner jusqu'à la mort. Tu vois? Comment vas-tu aller dans l'enlèvement? Maintenant, réponds-toi et arrange ta vie. Que Dieu bénisse pour aujourd'hui. Levons-nous pour prier. Tu médites. Méditons. Qui sont là ceux-là qui vont partir dans l'enlèvement? Est-ce que toi tu iras? Tu médites. Méditons tous. Des gens qui ont des cœurs intègres. Des gens qui ont des cœurs purs. Ceux qui disent la vérité venant de leur cœur. Ça, c'est un chaos. Il faut que nous demandions Dieu qui nous assiste. Ce ne sont pas des choses à jouer. Ce sont des petites paroles qui. Mais si tu les négliges, tu seras perdu. Tu fikiri. Méditons. Frère, Anton a un cantique avec un couple. Ce qui va donner aux gens à réfléchir. Mungoni palipote utamu kimbia ye anaku tazama sana nae Zanu usiku zote Mungu anakutazama Hata unafanya nini Mungu anaona yote Hata unafanya Prions tous Dieu. Prions Dieu qui nous pardonne. Arrangeons nos vies devant Dieu. Dieu aime des cœurs purs. Dieu aime l'intégrité de nos cœurs. Si tu veux comprendre, Dieu a envoyé cet évangile pour toi. Laisse pour aujourd'hui la vie de mensonge. C'est une mauvaise vie pour un chrétien. C'est une vie qui brise les ménages. C'est une vie qui brise les ménages. C'est une vie qui diminue la chrétienté. Prions Dieu qui puisse nous assister. Il enlève ce cœur de mensonge.